Les ailes du jour. La lumière apparaît qui nous montre tout. Elle révèle les splendeurs, elle appelle tout, mais le montre à chacun de nous seuls, et seulement une fois, et rien que pour observer. Pas pour toucher ou tenir dans nos ombres. Ce qu'on voit n'est jamais ce qu'on touche. Ce qu'on prend s'avère tout autre chose. Ce qu'on voit cette seule fois repart intact, tandis que d'autres ombres s'amassent autour de nous. Les ombres du monde se mêlent aux nôtres. Nous les avions oubliées, mais elles nous connaissent. De nous, elles se souviennent, telles que toujours nous étions. Elles étaient ici chez elles avant que rien ne les devance. Tout nous quittera sauf les ombres. Mais les ombres charrient l'histoire entière. À la première entame du jour, elles déploient leurs longues ailes.